En octobre 2016, j'ai assisté au dernier congrès tenu à Avignon à l'initiative du Cercle latin de Provence, dont je fais désormais partie, car ce congrès fut le premier déclencheur de mes actuelles démarches en faveur du latin vivant. Pierre Faléry, le président, et Marc-Olivier Girard sont en train de mettre au point une méthode d'apprentissage de langue économique pour pouvoir utiliser le latin moderne dans le monde des affaires. Lors de ce congrès avignonnais, donc, en octobre 2016, comme tous les autres congressistes, j'avais été ébahi lorsqu'une Belge, Odile d'Absinthe, la Benjamine, 21 ans, pendant la demi-heure qui lui était accordée sur le thème « Enseigner et parler latin au quotidien », s'était adressée à nous en latin aussi aisément que si elle nous parlait en français. Odile d'Absinthe est actuellement doctorante à l'Université de Louvain-la-Neuve, où elle a créé avec sa sœur un cercle de latin vivant, le deuxième cercle sur lequel je voulais attirer votre attention. Et c'est elle qui a contrôlé toutes mes traductions, transcriptions phonétiques et enregistrements de tous les textes envoyés aux comédiens de Nemosus, la web-série présentée plus haut. Comme elle enseigne à la Scola Nova, Scola Nova, École Nouvelle d'un cours non loin de Bruxelles, c'est par elle que je suis entré en contact avec cette prestigieuse école. Scola Nova a été créée en 1995 par Stéphane Fey, musicien de talent, compositeur et chef d'orchestre, dont les enfants, issus de cette école, se produisent eux-mêmes dans un quatuor. Dans cette Scola Nova, dirigée par Caroline Thuisbert, qui assure elle-même des cours, l'enseignement est dispensé en latin, en français et en néerlandais, à une soixantaine d'élèves de 7 à 17 ans. Et en fin d'études, toujours ponctuées par des voyages à l'étranger, les élèves formés dans cette école passent haut la main les examens belges officiels, avec parfois un ou deux ans d'avance sur les autres élèves.